ferir la tombe de ma conscience. Si je laisse passer cette seconde chance, comme une pierre de plus au mur de la méfiance qui m'entoure et m'oppresse. Fleurir la tombe de ma conscience. Si je laisse passer cette seconde chance, comme une pierre de plus au mur de la méfiance qui m'entoure et m'empresse. J'ai ma part d'acidité, mais peu de facilité à la décrire. Alors veuillez excuser ma preuve de fragilité. Avant de prendre une plume, j'ai dû faire couler l'encre, manier les mots à ma guise et puis travailler sur mes lacunes. J'ai dû serrer les dents, me dire qu'il serait temps que je sors de l'ombre pour faire en sorte à ce que mes propos se répandent. J'ai dû connaître la déception, j'ai dû être malhonnête pour me dire qu'aucune personne était une exception. J'ai dû partir de rien pour essayer d'avoir le tout. J'ai dû batailler longuement avant de forger mes atouts. J'ai dû être un peu incrédule à certains moments avant de me dire que la vie n'était qu'un enchaînement imprévu. J'ai dû pleurer pour que ma personne soit plus forte. J'ai dû effleurer la faucheuse alors qu'elle se trouvait là devant ma porte. J'ai dû m'apercevoir à quel point le temps était court. Et pour cela j'ai dû voir mon frère mort repé de cette tour. J'ai dû accepter les coups, exceller dans le goût, retenir mon souffle. Mais bon, j'ai dû me dire que je tiendrai le coup. Tout ça, c'était avant, avant d'être un homme, avant que je puisse trouver la force de me dire que je suis qu'un grand homme. Grand homme. Rêvant d'une vie en or, j'ai passé ce cap car j'ai constaté que la mienne n'était qu'en toc, sans temps mort. J'ai serré mes poings errant comme un fantôme. L'esprit en béton, c'est celui qui s'éveille quand les autres s'endorment. J'aimerais fleurir la tombe de ma conscience. Si je laisse passer cette seconde chance, comme une pierre de plus au mur de la méfiance qui m'entoure et m'oppresse. Fleurir la tombe de ma conscience. Si je laisse passer cette seconde chance, comme une pierre de plus au mur de la méfiance qui m'entoure et m'empresse. Il faut que je rentre plus dans les détails, que je me dévoile, que j'étale mes sentiments juste pour parler de mon état d'esprit. Alors je déballe ces quelques mots car il est vrai que je pédale dans la semoule et telle une fleur j'ai perdu mes pétales. Comme tous, j'ai traité les filles de pétasses, sans cesse sur mes gardes, je suivais un cliché à la trace. J'avais souvent la tête baissée face à ma glace et j'ai su que ma carapace cachait un être sensible à la base. J'ai crié que j'avais la dalle et puis j'ai bu la tasse, à la cale je l'étais mais j'ai dû forcer pour gagner ma place. Redonner de la grâce à ma personne pour étonner la masse. J'ai dû avancer les pieds dans la vase. Et puis à ma guise, j'ai porté mon analyse. Fataliste dans l'âme et avec de l'estime dans ma valise. Plongé dans la tise, entre le fanatisme et le dramatique, j'étais perdu alors j'ai forcé sur le cannabis. C'est ça la vie, on est tous là, chercher le paradis. Vivant l'enfer ici, sachant que c'est le diable qui nous baratine. Croyant rêver, j'ai bien vu Cupidon armé d'une carabine. Et si la chance existe, alors ne dites pas qu'elle n'est paradine. Voulant entrer dans la partie, j'ai pris mes réparties et mis toutes mes techniques en pratique. Sans tomber dans la polémique, j'avais le ventre vide et depuis le sang m'a fait devenir boulimique. J'aimerais fleurir la tombe de ma conscience. Si je laisse passer cette seconde chance, comme une pierre de plus au mur de la méfiance qui m'entoure et m'oppresse. J'aimerais fleurir la tombe de ma conscience. Si je laisse passer cette seconde chance, comme une pierre de plus au mur de la méfiance qui m'entoure et m'oppresse. Fleurir la tombe de ma conscience. Si je laisse passer cette seconde chance, comme une pierre de plus au mur de la méfiance qui m'entoure et m'oppresse. Qui viendra fleurir la tombe de ma conscience. Si je laisse passer cette seconde chance, comme une pierre de plus au mur de la méfiance qui m'entoure et m'oppresse. Ouais, une seconde chance. Comme une pierre de plus au mur de la méfiance. Fleurir la tombe de ma conscience. De ma conscience. Ouais. Une seconde chance. Bienvenue en France.